بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 57، 57 حديث بعد 100. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تنحتوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. فقال المصنف رحمه الله تعالى: الوقص كسر العنق. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، il a dit qu'un homme est soutenu sur Arafat sur sa monture, puis il en tomba. Et en tombant, il se brisa la nuque. Alors, donc, il en mourut. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: lavez-le avec de l'eau et du cidre, c'est-à-dire du jujubié, et embaumez-le dans son linceul, c'est-à-dire dans ses deux vêtements, ce qu'il portait comme vêtements, rien de plus. Et ne le parfumez pas et ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité yom al-qiyama, hein, en faisant la talbiya, c'est-à-dire le fait de l'appel que l'on fait pendant le hajj, la baik, Allahumma la baik, en disant: oh Allah, j'appelle, je réponds à ton appel. Et dans une version, il a été dit de couvrir pas son visage ni sa tête. طيب يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى راوي apporteur c'est عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول موضوع الحديث سجد الحديث بيان ما يصنع بالميت ما يصنع بالميت إذا كان محرما أو محرما. Donc maintenant ça vient pour montrer comment faire avec le mort s'il meurt en étant en état de sacralisation. Il est muhrim pendant le hajj ou la umrah. قال في الشرح الإجمالي من الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا على بعيره في عرفات عام حجة الوداع وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منها على الأرض فكسرت عنقه فكسرت عنقه فمات. Donc عبد الله بن عباس رضي الله عنهما informe qu'un homme se tenait debout sur Arafat sur sa monture. C'était l'année du Hajj, d'adieu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le seul hajj qu'il a accompli. Et qu'il était auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est tombé de sa monture, et en tombant il s'est brisé la nuque. Donc il en est mort sur le coup. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلْ بِمَا وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفَّنْ بِفِي إِزَارِهِ وَرِدَائِهِ أَلَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ وَنَاهَهُمْ أَنْ يُكَرِّبُوا طِيبًا وَأَنْ يُخْطُوا رَأْسَهُ وَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ مِنْ ذَلِكَ بأنه لا يزال باقيا إحرامه فسيبعث عليه فيقوم من قبره قائلا لبيك اللهم لبيك. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cet homme-là soit lavé avec de l'eau et du cidre, du jujubié, et qu'il soit embaumé dans ses deux vêtements, c'est-à-dire ce que porte le muhrim, son izar et son rida, la partie inférieure et supérieure de ses vêtements, rien de plus. Et leur a interdit justement de le parfumer et également de lui recouvrir la tête. Et en démontrant la hikmah de cela, la sagesse de cela, c'est qu'il ne cesse d'être muhrim, en état de sacralisation, même quand il va être ressuscité après sa mort, pour la rétribution, il sera ressuscité en état de sacralisation. En disant, « La baik, Allahumma la baik », comme le disent les hujjaj lorsqu'ils partent, les pèlerins. « Yaqulu min fawaid al-hadith », enseignement utile du hadith, « An al-mayyit idha kana muhriman yusna'u bihi ma yusna'u fil mayyit ghayr al-muhrim » إلا أنه يجنب ما يجتنبه المحرم من الطيب وغيره. Donc le mort, lorsqu'il est en état d'ihram, on fait avec lui comme on fait avec celui qui n'est pas muhrim. Sauf que on évite justement de le parfumer. C'est-à-dire les choses qui sont interdites au muhrim, كذلك ne sont pas, n'ont pas à être faites lorsque il meurt, car il reste dans le même état de sacralisation. ثانياً وجوب تغسيل الميت وتكفينه بثواب أو بثوب ساتر لجميع بدنه. Qu'il faut laver justement ce mort et l'embaumer avec des vêtements qui recouvrent tout son corps. ثالثاً مشروعية خرط الماء بسدر في تغسيل الميت qu'il est légiféré de mélanger de l'eau avec du cidre lorsque l'on lave le mort. Rabi'an, anna at-takfin mimalihi muqaddam ala ad-dayn wa ghayrihi. Qu'il faut l'embaumer avec l'argent, son propre argent, d'accord, avant même de rembourser ses dettes. C'est-à-dire que tout ce qui est relatif à l'enterrement doit être pris de son argent avant que cela ne soit donné pour les dettes qu'il aurait. Car les dettes sont bien en deuxième position. Et ensuite, l'héritage. Et la preuve, c'est qu'il a été embaumé dans ses vêtements de sacralisation, directement. Khamisan, mashru'at at-takfin al-muhrim bi thawbay ihrami. Qu'il est justement légiféré d'embaumer le muhrim, c'est-à-dire se mettre son linceul funéraire, dans ses propres vêtements qu'il porte déjà à la base. Sadisan, mashru'at tahnit al-mayyit ghayr al-muhrim lianna nahi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an tahnit al-muhrim dalil ala annahu ala an tahnit al-mayyit amru muttaba. Qu'il légifère justement de parfumer le mort en dehors de celui qui est muhrim. Car le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'interdit pour le muhrim, cela indique que pour celui qui n'est pas muhrim, cela se faisait à la base. Sinon, il n'aurait pas besoin de le préciser. Sabihan, anna al-ihram la yubtil bi-maut. Et que l'état de sacralisation n'est pas annulé par la mort. C'est-à-dire celui qui meurt reste toujours dans cet état-là, même durant sa mort. Thaminan, anna al-muhrim idha mata la yukammal anhu baqiyat nusukihi walau kana farda. Et que celui qui meurt en état de sacralisation, on ne doit pas compléter pour lui, d'accord, ce qui lui restait à faire comme rite du Hajj. Même si c'est des choses obligatoires. On n'a pas à le faire pour lui. Tasiran, husn ta'lim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, haythu yukarrin al-hukm bi'illatihi liyazdad al-itminan ilayhi, wa yu'rafu bihi samu shari'a, wa muwafiqatuha lil-hikmah, wa yankul al-hukm ila ma la nusa fihi, idha wujidat fihi al-hikmah. Donc, ça montre la bonne pédagogie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car lorsqu'il enseignait une chose, il donnait un jugement en aidant la sagesse et la raison de ce jugement, afin que les cœurs s'apaisent et que l'on comprenne justement les objectifs de la charia, de la législation. D'accord? Et il apportait justement une parole qui à la base n'était pas citée avec le jugement. C'est une chose que lui ajoutait en plus pour pouvoir éclairer ses compagnons. Ou plutôt, qu'on apporte un jugement en y ajoutant la sagesse qui va avec, s'il n'y a pas le texte qui la stipule. Parce que celle-ci, elle a été déduite, a été trouvée. Voilà. Fabien Dalkon Naktafi, walhamdulillahi rabbil alamin.